Osée chapitre 4. Enfants d'Israël, écoutez la parole de l'Éternel, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays, parce qu'il n'y a point de vérité, ni de miséricorde, ni de connaissance de Dieu au pays. Il n'y a qu'exécration, que mensonge, que meurtre, que larcin et qu'adultère, ils se sont entièrement débordés, et un meurtre touche l'autre. C'est pourquoi le pays sera en deuil, et tout homme qui y habite sera dans la langueur, avec les bêtes des champs, et les oiseaux des cieux, même les poissons de la mer périront. Quoi qu'il en soit, qu'on ne plaide avec personne, et qu'on ne reprenne personne, car, quant à ton peuple, ce sont autant de gens qui disputent avec le sacrificateur. Tu tomberas donc en plein jour, et le prophète aussi tombera avec toi de nuit, et j'exterminerai ta mère. Mon peuple est détruit à cause qu'il est sans science. Parce que tu as rejeté la science, je te rejetterai, afin que tu ne m'exerces plus la sacrificature. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, moi aussi j'oublierai tes enfants. À mesure qu'ils se sont accrus, ils ont péché contre moi, je changerai leur gloire en ignominie. Ils mangent les péchés de mon peuple, et ne demandent rien que son iniquité. C'est pourquoi le sacrificateur sera traité comme le peuple, et je le visiterai selon son train, et je lui rendrai selon ses actions. Et ils mangeront, mais ils ne seront point rassasiés, ils se prostitueront, mais ils ne multiplieront point, parce qu'ils ont abandonné l'Éternel, pour ne s'y tenir point. La luxure, et le vin, et le moût, ôtent l'entendement. Mon peuple demande d'avis à son bois, et son bâton lui répond, car l'esprit de fornication les a fait errer, et ils ont commis adultère, se détournant de leur Dieu. Ils sacrifient sur le sommet des montagnes, et font des parfums sur les coteaux, sous les chênes, sous les peupliers, et sous les ormes, parce que leur ombre est bonne, c'est pourquoi vos filles se prostitueront, et les femmes de vos fils commettront adultère. Je ne ferai point punition de vos filles, quand elles se seront abandonnées, ni des femmes de vos fils, quand elles auront commis adultère, à cause qu'ils se séparent avec les prostituées, et qu'ils sacrifient avec les femmes débauchées, ainsi le peuple qui est sans intelligence, sera ruiné. Si tu commets adultère, ô Israël, au moins que Juda ne se rende point coupable, n'entrez donc point dans Gilgal, et ne montez point à Beth-Aven, et ne jurez point, l'Éternel est vivant. Parce qu'Israël a été revêche comme une génisse revêche, l'Éternel les pètera maintenant, comme des agneaux dans des lieux spacieux. Ephraïm s'est associé aux idoles, abandonne-le. Leur breuvage est devenu aigre, ils n'ont fait que se prostituer, ils n'aiment qu'à dire, apporter. Ce n'est qu'ignominie que ses protecteurs. Le vent l'a enserré dans ses ailes, et ils auront honte de leur sacrifice.